Vers la mer, par Émile Verhaeren. Enregistré pour LibriVox.org. Comme des objets frêles, les vaisseaux d'or semblent poser sur la mer éternelle. Le vent futile et pur n'est que baiser, et les écumes qui, doucement, échouent contre les proues ne sont que plumes. Il fait dimanche sur la mer. Telles des dames passent au ciel ou vers les plages, voilures et nuages. Il fait dimanche sur la mer. Et l'on voit luire au loin des rames barres de prismes sur la mer. Claire de moi-même et de cette heure qui scintillait en grappes de joyaux translucides sur l'eau, j'ai crié vers l'espace et sa splendeur. Ô mer de luxe frais et de moire fleurie, où l'immobile et vaste été marie sa force à la douceur et la limpidité, mer de miroirs en fait, où voyagent de crête en crête sur les vagues qu'elles irisent en guirlandes les brises, mer de ferveur où des musiques de lumière voudraient chanter, mais se taisent dans l'or silencieux du fulgurant décor. Mère de beauté simple et première, qui fut mon enfance en floraison trémière, et songeuse quand je rêvais de grèves bleues, où l'ours et le centaure et le lion des cieux venaient boire le soir. Là-bas, très loin, à l'autre bout du monde, ô mère, qui fut ma joie effarée et féconde, ô mère, qui fut ma jeunesse cabrée, ainsi que tes marées vers l'aventure et les conquêtes, accueille-moi ce jour où tes eaux sont en fête. J'aurais vécu l'âme élargie sous les visages clairs, profonds, certains, qui regardent du haut des horizons lointains surgir vers leur splendeur notre énergie. J'aurais senti les flux unanimes des choses me charrier en leur métamorphose et m'emporter dans leurs reflux. J'aurais vécu le mont, le bois, la terre. J'aurais versé le sang des dieux dans mes artères. J'aurais brandi comme un glaive exalté vers l'infini ma volonté. Et maintenant, c'est sur tes bords, ô mer suprême, où tout se renouvelle, où tout se reproduit, après s'être disjoint, après s'être détruit, que je reviens pour qu'on y sème cet univers qui fut moi-même. L'ombre se fait en moi, l'âge s'étend comme une ornière autour du champ qui fut ma force en fleurs et ma vaillance. Plus n'est rouge toujours, ni sanglante ma lance. L'arbre de mon orgueil reverdit moins souvent, et son feuillage boit moins largement le vent qui passe en ouragan sur les forêts humaines. Ô mer, je sens tarir les sources dans mes plaines, mais j'ai recours à toi pour l'exalter une fois encore et le grandir et le transfigurer, mon corps, en attendant qu'on t'apporte sa mort pour à jamais la dissoudre en ta vie. Alors, ô mère, tu me perdras en tes furies de renaissance et de fécondité. Tu rouleras en tes vagues et tes crinières ma pourriture et ma poussière. Tu mêleras à ta beauté toute mon ombre et tout mon deuil. J'aurai l'immensité des forces pour cercueil et leur travail obscur et leur ardeur occulte. Mon être entier sera perdu, sera fondu dans le brassin géant de leur tumulte, mais renaîtra après mille et mille ans, vierge et divin, sauvage et clair et frissonnant, amas subtil de matière qui pense. Moment nouveau de conscience, flamme nouvelle de clarté dans les yeux d'or de l'immobile éternité. comme de lumineux tombeaux, les vaisseaux d'or semblent posés de loin en loin sur les plaines des eaux. Le vent subtil n'est que baiser, et les écumes qui, doucement, échouent contre les proues, ne sont que plumes. Il fait dimanche sur la mer. Fin du poème, lu par Christiane Johan. Cet enregistrement fait partie du domaine public.